On va continuer cette série, vous savez, qui est là pour nous aider à entrer, à découvrir le plan de Dieu. Parce que vous avez certainement un plan pour votre vie. Les autres ont un plan pour vous. Oh, j'aimerais bien que tu fasses ça. Dieu a un plan pour vous, mais le diable aussi a un plan pour vous. Donc, vous voyez, on est un peu écartelé. Et parfois, on vit notre plan, on vit le plan des autres, on vit le plan de l'ennemi. Et occasionnellement, ça peut nous arriver parfois de vivre dans certains domaines de notre vie le plan de Dieu. Comment vivre pleinement? Comment prendre possession pleinement du plan de Dieu? C'est notre série. Et la quatrième chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est que pour saisir le plan de Dieu, pour entrer dans le plan béni de Dieu, puisque Dieu dit, voici, j'ai formé des projets de paix et non de malheur pour vous. Donc Dieu a formé des projets de paix pour chacun d'entre nous. Pour entrer dans le plan de Dieu, il y a quand même un processus, il y a des choses à faire. Et cette chose qu'on va développer aujourd'hui, qu'on va apprendre, c'est qu'une des choses qu'il faut faire pour entrer dans le plan de Dieu, c'est commencer à s'engager à penser différemment. Tu ne peux pas entrer dans le plan de Dieu si tu ne fais pas l'effort de changer ta manière de penser. Pourquoi? Parce que nous sommes, que vous le vouliez ou pas, tu es une nouvelle créature. Lisons ensemble. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, donc si des personnes ici, ce matin et en audio nous écoutent, et si vous êtes donc en Christ, si vous dites, mais oui, je suis en Christ. Peut-être que tu ne l'es pas et tu peux le devenir ce matin. Mais peut-être que tu l'es. Et si quelqu'un est en Christ, ce n'est pas juste il va à l'église dimanche matin. Si quelqu'un est en Christ, il lit sa Bible. Si quelqu'un est en Christ, il a des CD de louanges dans sa voiture. Ce n'est pas ce que ce texte nous dit. Il nous dit autre chose. Si quelqu'un est en Christ, il est, ce n'est pas il sera, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on est en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Si vous êtes à Christ, vous êtes déjà une nouvelle créature. Et beaucoup de gens ne rentrent pas dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles ne se voient pas comme une nouvelle créature. Elles vivaient avec certaines attitudes et habitudes de vie liées, qui viennent de leur passé. Elles donnent leur vie à Jésus. Ah, merci Jésus. Et elles continuent à vivre une vie ancienne. Mais les choses anciennes sont passées. Il n'y a que une vie, la relation avec Christ qui permet de mettre un terme au passé. Ton passé ne peut plus t'envahir et polluer ta vie. Mais ça, il faut que tu l'acceptes comme une vérité. Parce que sinon, tu es à Christ, mais tu continues à vivre comme dans l'ancien temps. Mais si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. C'est important de penser déjà, première chose, de dire, hey, je veux penser comme une nouvelle créature. Je veux commencer à dire, hey, maintenant, non, ces choses passées, ces choses de mon passé sont révolues. Je suis maintenant une nouvelle créature. Je peux vivre des nouvelles choses. Je peux aspirer à de nouvelles choses. Presque tout ce qu'une personne accomplit de bien dans la vie provient de son for intérieur. Ça provient de la conscience qu'elle a, de ce qu'elle a, de la manière dont elle se voit elle-même. Tout ce que vous allez vivre de bien, ça va venir, c'est le résultat de ce que vous croyez dans votre for intérieur. Et si tu ne crois pas que tu es une nouvelle créature, tu ne vas pas vivre comme une nouvelle créature. Mais si tu commences à dire, hey, non, non, je suis à Christ, donc, les choses anciennes sont passées. Vous commencez à le croire, vous allez le vivre. Vous savez, c'est comme ça que ça se vit dans le royaume. Ce n'est pas parce que vous l'expérimentez que c'est vrai. Mais c'est parce que vous commencez à le croire que vous allez commencer à l'expérimenter. Nous, on dit, mais quand je vais l'expérimenter, Greg, je vais commencer à le croire. Là, je ne suis pas une nouvelle créature, hein. Ce que je vis, j'ai une relation avec Dieu, je vais à l'église, je crois en Dieu, mais ma vie continue à être la même que depuis avant ma rencontre avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu attends d'expérimenter quelque chose pour le croire. Alors que ce que je vous invite à vivre et à expérimenter ce matin, c'est que dans le royaume de Dieu, il faut croire, et c'est parce que tu crois que tu vas commencer à l'expérimenter. Dès que on parvient à changer notre identité, on interprète la vie différemment. Dès qu'on va commencer à penser différemment, vous allez commencer à interpréter la vie différemment. Vous allez prendre de meilleures décisions et vos émotions vont changer également. Si vous commencez à penser comme une nouvelle créature. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Gédéon, qui après une rencontre avec Dieu, il a su trouver sa nouvelle identité et il a su atteindre une exceptionnelle destinée. On peut lire ensemble Gédéon, ici dans Juges 6, verset 12. Donc Gédéon, il vit une vie modeste, il vit une vie routinière. Et puis un jour, il fait une rencontre avec Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Et Gédéon, quand il entend ça, il dit, il se tourne. Il dit, mais à qui tu parles? Parce qu'il ne se considère pas comme un vaillant héros. Et Dieu est en train de lui dire, hey, nouvelle créature, tu es une nouvelle créature. Et si vous lisez l'histoire de Gédéon, c'est quelqu'un qui a été dénigré par les autres. Et c'est quelqu'un qui s'est dénigré toute sa vie. Il répond, mais je suis le plus petit de la plus petite famille, du plus petit peuple. Il se dénigre, il s'auto-dénigre. Il n'est pas conscient qu'il est une nouvelle créature. Tout commence dans ta manière de penser. On a chanté, Dieu, tu es grand. La grandeur de ta vie, elle va, et de ton futur, est tout simplement limitée à la grandeur de ta pensée. Plus tu penses grand, plus tu vas voir grand, et plus tu vas vivre de grandes choses. Et Gédéon, Dieu lui dit « vaillant héros », et il ne se voit pas comme un vaillant héros, il ne se voit pas comme une nouvelle créature. Et la relation que Dieu va établir avec lui est une relation thérapeutique. Parce qu'il lui apprend à réaliser, Gédéon commence à réaliser qu'il est un vaillant héros, parce qu'il l'était, mais il ne le croyait pas. Qu'est-ce qui a changé? C'est cette rencontre avec Dieu qui a changé son identité. Dieu, ce qu'il attend de vous, ce n'est pas que vous alliez à l'église. L'église est juste un moyen pour entretenir votre nouvelle identité. Dieu, ce qu'il désire ce matin, c'est que vous réalisiez que, vous, comme Gédéon, je suis une nouvelle créature. Il y a eu un changement d'identité et de croyance dans la vie de Gédéon à ce moment-là. Il n'était plus quelqu'un qui se dénigrait, mais quelqu'un qui, au travers de cette rencontre avec Dieu, ensuite au travers de l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu lui a demandé de faire des choses, il a obéi, au travers des relations avec des leaders, il s'est entouré de leaders spirituels qui pensaient également positivement avec foi. Ces choses-là ont conduit, ont aidé Gédéon a expulsé de son cœur la fausse identité. Et le premier point que je veux aborder avec vous ce matin, c'est vous conduire à expulser vous aussi la fausse identité. Lâchez la main à la fausse identité. Pour Gédéon, c'était vaillant héros. Et il croyait, il était tellement en décalage avec sa nouvelle identité qu'il, vous voyez, il dit vaillant héros, tu parles à qui là? Je parle à toi, à moi. Ah, je ne suis pas un vaillant héros. Et peut-être que quand je vous dis « t'es une nouvelle créature », tu dis « ah Greg, si tu savais ce que j'ai fait hier soir, ce que j'ai fait la semaine dernière, je ne suis pas une nouvelle créature ». Non, parce que c'est pas quand tu vas l'expérimenter qu'il faudra le croire. C'est qu'il faut que tu le crois maintenant. Il faut que tu sortes de cette pièce en disant « hey, je suis une nouvelle créature ». Ces choses-là, c'est passé. Et parce que tu commences à te positionner différemment, ton passé va commencer à perdre de l'influence sur ta vie, de l'emprise sur ta vie, et tu vas pouvoir expulser de ton cœur, de ta vie, la fausse identité que tu as subie jusqu'à présent. C'est fort ce que je vous dis. Hein. Romains 8, verset 31 nous dit « Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Pour réaliser de grandes choses, vous devez premièrement croire que vous êtes appelé à ces choses, que vous êtes capable de les accomplir. Hey, je suis une nouvelle créature. Avec Dieu, Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Deuxièmement, vous devez croire que vous êtes revêtu par Dieu de l'autorité, de la puissance nécessaire pour mener à bien ces projets. C'est important, tout commence avec, on veut entrer dans le plan de Dieu, on ne peut pas entrer dans le plan de Dieu avec des pensées anciennes, avec un ancien mode de pensée. On est dans l'obligation d'accueillir, de développer un nouveau mode de pensée. Comment ? On en parle tout de suite. Je veux reprendre le point que, premièrement, pour développer un mode de pensée, un nouveau mode de pensée compatible avec le plan de Dieu, il faut penser avec maturité. Et je veux revenir sur la prédication de Nicolas, qui était vraiment fondatrice et excellente dimanche dernier, où il a parlé de la maturité. On doit penser avec maturité. 1 Corinthiens 13, verset 11, je recite ce texte. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Vous voyez ici, il nous est dit qu'on peut penser comme un enfant. Premièrement. Et un enfant pense avec immaturité. Ici, il n'est pas question de... dans ce texte, quand il est parlé de l'enfant, il est parlé de l'immaturité que l'enfant peut avoir quand, par exemple, il fait des caprices pour obtenir ce qu'il veut. Il a des peurs. Il a peur du noir, il a peur du loup, il a peur, vous voyez, des tas de choses. Et lorsqu'on était enfant, ça veut dire lorsqu'on est dans l'immaturité, il y a une certaine façon de penser qu'on peut avoir. On peut être des adultes et continuer à parler, à penser et à agir comme des enfants. On est des adultes, mais on pense encore comme des enfants. Et Nicolas nous a cité un exemple, il nous parlait de son propre comportement lorsqu'il était au volant, à une époque où il pensait comme un enfant. Parce qu'en tant que gendarme, vous voyez, il a fait une formation de gendarme, il a acquis, donc il a un rapport avec l'autorité, avec la loi, qui est un rapport de gendarme, hein, vous voyez, donc la loi, c'est la loi. Et quand il voyait des gens dans le sud, vous savez, qui ne respectent pas trop la loi du code de la route, ça pouvait le mettre dans tous ses états et le conduire à avoir des réactions, il nous disait, complètement immatures. Et il a appris, parce que ça ne change pas, le comportement, il y aura toujours des gens qui vont pas respecter le code de la route. Par contre, ce qui a changé, c'est son attitude. Il nous disait, hein, mon attitude, au lieu de parler, ouais, n'importe quoi, quand les gens font des têtes à queue, ou ça, n'importe quoi, on veut sortir de la voiture. Enfin, vous voyez, c'était son témoignage dimanche dernier, mais il a dit, hey, le comportement des gens me conduit à parler, et à agir, à me comporter comme un enfant. Je suis un adulte, mais je me comporte comme un enfant. Donc, le comportement des gens ne va pas changer. Il va toujours être aussi dysfonctionnel. Mais moi, je vais apprendre à parler, à penser et à agir comme un adulte. Parce qu'il est dit, ce n'est pas Dieu qui va nous aider à vaincre notre immaturité. Ce texte nous dit, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est à nous de dire, hey, j'identifie dans ma vie ce qui est de l'enfant, et c'est moi qui le fais disparaître. Parce qu'on est responsable de notre maturité et de nos pensées. C'est à nous de faire disparaître ce qui est de l'enfant. Penser avec maturité, ça va vous aider. Si vous dites, hey, je veux, en tant que nouvelle créature, je veux commencer à penser. Il ne s'agit pas d'arrêter de penser. Il s'agit d'arrêter de penser comme un enfant, avec immaturité. Penser avec maturité, ça va vous aider à vous défaire des fausses interprétations ou des croyances inexactes qui ont pris place en vous dans le passé. Penser avec maturité, ça va vous conduire aussi vers une relecture de votre passé. Et ça va vous aider à renouveler votre intelligence à la lumière de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et vous savez, quand vous allez faire ça, vous dites, hey, vous allez faire cet exercice, ce que je pense là, ce que je dis, ce que je fais, est-ce que c'est mature? Parce que c'est à vous de faire disparaître ce qui est de l'enfant, si vous voulez rentrer dans le plan de Dieu. Vous allez être surpris, vous savez, quand vous faites ça, vous allez être surpris de découvrir à quel point vous avez pu vivre sous l'influence de mauvaises interprétations ou de mauvaises croyances. Vous allez dire, oh là là, mince, le nombre de fois où je boude, moi j'étais fort pour ça. Quand je me disputais avec Katia, je boudais. Je ne répondais pas. Elle me posait des questions, je ne répondais pas parce que je boudais. Et ça, c'est quoi? C'est juste l'enfant. Il faut que je fasse disparaître. Je dis, tiens, ça, c'est quelque chose en moi que je dois faire disparaître. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est nous. Nous sommes responsables du niveau de notre maturité. Plus le maturité. Vous savez, on ne confie pas une voiture, les clés d'une voiture à un enfant. Il faut être adulte. Et Dieu ne va pas vous confier le plan qu'il a pour vous si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir y entrer. Et vous ne pourrez pas. Et vous êtes là, vous priez, Seigneur, Seigneur, je prie pour que ça marche. Et Dieu dit, mais non, mais ce n'est pas une question de prière, c'est une question de maturité. Je peux te confier un héritage. On ne le reçoit que si on est majeur. Et la Bible nous dit que nous sommes héritiers de Christ. Et pour jouir pleinement de l'héritage divin, on doit être mature, on doit faire disparaître ces traces d'immaturité en nous. Donc en application, ce que j'aimerais vous donner à faire, vous savez, on ne peut pas changer notre passé, mais nous pouvons changer notre manière de l'interpréter. Donc, maintenant que vous êtes adulte sur le plan spirituel et que vous comprenez l'importance de la maturité, de penser avec maturité, je vous invite, premièrement, essayez de débusquer des événements importants de votre vie qui vous ont marqué. Vous les débusquez et vous les écrivez. Deuxièmement, faites une liste et décrivez ce que vous avez ressenti lors de ces événements. Troisièmement, comment maintenant que vous êtes un adulte mature sur le plan spirituel, interpréteriez-vous ces anciennes émotions d'enfance ou ces anciennes émotions du passé pour les réinterpréter? Ces choses-là se sont passées, mais peut-être que vous avez, lorsque vous considérez ces événements, vous les considérez avec une pensée et des croyances immatures. Deuxième chose qui va vous aider à reprogrammer, penser différemment, reprogrammer votre manière de penser, c'est vous accorder sur les pensées de Dieu. Accorder votre pensée avec votre destinée. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi est-il nécessaire d'accorder ces pensées? C'est ce qu'on a fait au début de la louange ce matin. On s'est accordé sur le son du ciel. Pourquoi? Parce qu'il existe deux forces. Dans la vie, il existe deux forces qui parlent à votre esprit sur une base régulière et quotidienne, dans le but d'influencer vos pensées, vos sentiments, vos actions. Et ces deux forces qui parlent quotidiennement dans votre vie, elles sont très puissantes. Lisons ensemble Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit, vous voyez, un serpent, ça ne parle pas normalement, hein, mais là, c'est une image, ça ne nous parle pas de l'animal, ça nous parle ici de l'ennemi de notre âme. Une des forces qui essaye de nous influencer. Et là, donc, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bien sûr que Dieu avait dit. Mais le diable ici essaye de semer le doute dans le cœur de la femme. Donc Satan, c'est le trompeur. Et c'est une des forces qui, quotidiennement, va susurrer à notre intelligence toutes sortes de pensées, comme ici avec Ève, pour nous pousser à nourrir des pensées destructrices. La deuxième force qui essaye donc de nous influencer quotidiennement, c'est Dieu. Jean 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix ». Être chrétien, ce n'est pas juste aller à l'église et lire la Bible et prier, mais être chrétien, c'est aussi à établir une relation avec Dieu, où vous lui parlez et où lui aussi vous parle sur des détails de votre vie. Jésus dit, c'est encore une autre chose, mes brebis entendent ma voix. Être chrétien, être une nouvelle créature, c'est entendre Dieu vous parler. Donc Dieu s'adresse à nos âmes. Comment il fait? Par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et le but de Dieu ici, c'est de nous encourager à penser de manière constructive, créative et surtout divine. Mais Dieu parle, ses brebis entendent sa voix. Je vais raconter une histoire qui est véridique. Ça se passe à Londres chez un pasteur. Et il prêche comme moi le dimanche matin. C'est une grande église. Et pendant qu'il prêche, il y a un monsieur qu'il ne connaît pas qui entre et qui s'assoit vers le fond. Et il le voit, vous voyez, puis il continue à prêcher. Et là, alors qu'il prêche, la voix, les brebis entendent ma voix. Et il y a une voix, vous savez, je vais vous dire après comment ça se passe. Souvent, c'est comme des pensées, une forte pensée qui vient dans votre esprit. Alors que vous pensez à autre chose, et puis il y a une pensée qui vient là, qui s'impose, exactement. Et là, cette pensée, c'est « va chercher ton plus beau costume, va demander à ta femme qu'elle a cherché ton plus beau costume et donne-le à cet homme. » Alors c'est un peu bizarre hein, comme pensée. Et puis lui, comme il est en train de prêcher, il continue sa prédication. Mais plus il prêche et plus cette pensée presque devient une obsession. Il n'arrive plus à lire ses notes, il est complètement obsédé par cette pensée qui est de plus en plus forte. Donc, il dit, excusez-moi, il s'approche de sa femme, il dit, écoute, pose pas trop de questions, mais va à la maison, juste chercher mon plus beau costume, c'est celui-ci là, et tu me l'amènes. Et tu donnes au monsieur qui est là-bas au fond. Donc, c'est ce qu'ils font. Et la dame va lui donner, elle donne le costume au monsieur, puis le monsieur s'en va. Et puis il a obéi à Dieu, puis voilà, le culte est terminé, et puis il n'en sait pas plus. Parce qu'après, le gars est parti. Et des semaines après, le monsieur revient à l'église, habillé un peu comme moi, en jean, vous voyez, chemise, et il dit, vous me reconnaissez? Et puis il dit, non, et puis il dit, je suis le monsieur à qui vous avez donné le costume. Ah oui, alors ben, racontez-moi votre histoire. Il dit, écoutez, en fait, j'avais un rendez-vous. Je suis un homme d'affaires très important et j'avais un rendez-vous capital pour ma carrière professionnelle ce jour-là à Londres et mes bagages n'étaient pas arrivés. Alors je suis allé à l'église pour prier et en fait vous m'avez donné votre costume, ça m'allait parfaitement. J'ai pu donc aller à mon rendez-vous en étant donc bien habillé, c'était pour moi un rendez-vous très important. Je suis le responsable de Jaguar sur toute la Londres. Donc, venez avec moi, venez au garage, choisissez votre voiture, elle est à vous. Donc, ce pasteur qui vit modestement, vous savez, les salaires de pasteur, c'est modeste, hein, mais il roule, il a dit, mais je peux choisir, oui. Donc, il a pris une Jaguar à plus de 100 000. Hein, et donc, il va au pastoral, alors ils ont tous leur voiture un peu modeste, hein, et lui arrive, vroom, boum, en Jaguar. C'est pas tout. Dieu leur parle. Mes brebis entendent ma voix. Dieu parle. Et cette église était en cours d'implantation comme la nôtre et ils voulaient acheter un bâtiment. Et Dieu leur dit, achetez ce bâtiment-là. Et humainement, ils avaient les moyens de l'acheter, mais pas d'argent pour financer les travaux. Il dit, mais si on achète ce bâtiment, il est immense, 600 places, mais on n'a pas de moyens pour financer les travaux. Mais vous voyez, la pensée s'impose. C'est dur parce que vous allez voir les chrétiens, vous allez voir les responsables de l'équipe pastorale, vous allez voir les comptables, ils vont vous dire, mais c'est n'importe quoi. Mais, vous voyez, c'est compliqué, ça peut créer des tensions et des divisions dans l'église. Le pasteur fait n'importe quoi, il a pété les plombs, il a la folie des grandeurs. Mais l'ensemble de l'équipe pastorale avait la conviction que c'était de Dieu. Ils achètent ce bâtiment, je crois que c'était 600 000 euros de travaux. Donc, vous voyez, et ils n'ont pas l'argent. Et au moment où ils achètent le bâtiment, vous avez l'équivalent de SFR et de Orange qui les appelle et dit, écoutez, on doit installer nos antennes de relais. Et est-ce que vous accepteriez qu'on les fasse sur votre bâtiment? Et alors, eux disent, et on vous offre 300 000. Eux, ils disent, Dieu leur dit, 50% déjà de merci Seigneur. Et Dieu leur dit, vous dites non. Et là, encore une fois, l'équipe pastorale et puis les chrétiens de l'église vont dire, mais il est fou le pasteur, il est n'importe 300 000, vous voyez. Et ils disent non. Et des mois se passent et l'entreprise revient et dit, écoutez, on vous donne 600 000. Et comme ça, et ils ont dit, OK, donc vous pouvez mettre votre antenne relais sur notre église. Et eux, ils ont eu une église immense et de quoi financer les travaux. Pourquoi? Parce que les brebis entendent ma voix. Le plan de Dieu, vous voyez, ils auraient pu passer à côté du plan de Dieu. Ils auraient pu passer à côté cet homme d'une Jaguar et d'une immense église, tout simplement parce qu'ils ne se seraient pas accordés sur qu'est-ce que Dieu dit. Donc, en application, j'aimerais vous poser la question suivante. Vous savez, la majorité des gens, lorsqu'ils entendent Dieu, ils entendent sous la forme de pensées qui leur surviennent comme ça, spontanément. Est-ce que c'est le cas pour vous? Et si c'est le cas, et commencez à décrire un petit peu les pensées qui vous viennent. Des fois, vous êtes là, vous êtes. Moi, ça m'est arrivé l'autre soir, je mangeais une omelette que Katia m'avait faite. Et j'ai reçu une pensée, une révélation pour notre programme de formation dans le cadre de Dunamis. C'est venu là. Je priais pas, je mangeais mon omelette et on regardait. C'était quoi l'émission? Les pâtissiers, là. Les meilleurs pâtissiers. Vous voyez, je ne suis pas dans un moment spirituel intense. Je mange une omelette, j'ai un verre de vin, je suis devant la télé, il y a les pâtissiers, et là, bam! Je sens, vous voyez, dans mon esprit, je sens la présence de Dieu, puis il y a cette idée, c'est pas moi, je vois cette idée qui vient. Oh, j'ai noté, je dis, ça y est, je dis, Katia, parce qu'on m'a dit, Greg, il faut que tu nous dises en 2019 et en 2020 tes projets pour la francophonie. Je dis, mais moi, ah bon? J'ai pas prévu ça. Et je voulais pas que ça vienne de moi. C'est venu comme ça. Donc, si ça vous vient à vous aussi, il faut que vous commenciez à noter ces pensées. C'est important. Parfois, vous allez penser à quelqu'un. Ah, je pense à toi. Moi, des fois, vous voyez, c'est juste, j'ai pas une pensée spéciale, mais je pense à quelqu'un. Je dis, ah, tiens, Déborah, je pense à toi en ce moment. Je prie pour toi. La personne dit, ah, merci. Ça fait juste plaisir. C'est Dieu qui vous conduit à penser à quelqu'un. Dites-lui à la personne. Deuxième question, avez-vous encore des pensées ou des idées qui, au contraire, semblent pouvoir provenir de l'ennemi. Et si c'est le cas, lisons ensemble 2 Corinthiens 10, verset 5. Ce texte nous dit, nous renversons les raisonnements, c'est pas Dieu qui renverse, hein, c'est nous. Nous renversons, c'est notre responsabilité, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous avons là responsabilité, puisqu'on a ces deux forces qui essayent de nous influencer. Vous allez parfois recevoir des pensées divines et parfois vous allez recevoir des pensées de l'ennemi. Et votre responsabilité, nous avons été oints. Quand Dieu nous demande quelque chose, il nous a qualifiés pour. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est qu'on a les moyens, la capacité, l'autorité de le faire. C'est à nous d'amener toute pensée captive. Nous sommes un peu comme une douane. Voyez? Et puis on dit, ben hop, il y a une pensée qui arrive, ok. Vous venez d'où? Vous allez où? Ouvrez-moi ce coffre. On dit hop, vous n'avez rien à déclarer. On filtre nos pensées et on repousse les pensées de l'ennemi qui sont destructrices et démoniaques. Et au contraire, on accueille les pensées divines qui sont constructives, qui sont basées sur l'amour, qui sont basées sur la foi. Troisième point, et dernier point, après je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qui va nous permettre d'accueillir le plan de Dieu, de développer une pensée, d'apprendre à penser différemment. On a vu deux points, je veux rajouter le troisième. Le troisième point, c'est répéter. Répéter, pas n'importe quoi. Ce que vous dites sur vous-même, sur les autres et sur les circonstances de votre vie a une grande responsabilité. A de grandes conséquences, en bien comme en mal. Hein. Proverbe 18, verset 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Waouh! « Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont pris l'habitude de répéter des séries de déclarations blessantes pour leur entourage et parfois pour elles-mêmes. Par exemple, moi je suis un raté. Moi je suis, oh, j'y arriverai jamais. Faut pas dire ça. Pourquoi? Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'arriverai jamais. Si tu dis j'arriverai jamais, eh bien forcément tu n'y arriveras jamais. Ce que tu dis, c'est des semences. Nos paroles sont des semences. Et la Bible nous dit qu'on récolte toujours ce qu'on a semé. Donc vous devez apprendre à toujours à veiller sur les paroles que vous prononcez sur vous, sur les autres et sur les circonstances de votre vie. Il est grand temps que vous corrigiez la manière dont vous parlez de vous-même et dont vous parlez des autres. Chaque fois que vous confessez des paroles de mort sur vous-même, c'est un peu comme si vous détruisiez à petit feu. J'ai un jour, je vous ai parlé de cette personne qui ne trouvait pas de travail et qui me dit « Mais Dieu ne m'aime pas. C'est pour ça que je ne trouve pas de travail. Ça fait un an que je cherche du travail et je n'en trouve pas. Donc je pense que Dieu ne m'aime pas. » Vous voyez, la mort ou la vie, je dis « Tu es en train de dire des choses qui sont en contradiction avec le plan de Dieu. Dieu veut te donner un travail. Mais ce que tu dis empêche le plan de Dieu pour ta vie de se réaliser. » Donc, j'ai conduit cette personne à changer sa manière de parler. Dire, Dieu t'aime. Jean 3,16, je lui ai cité Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Tu es dans le monde? Il me dit, oui. Ben alors Dieu t'aime, puisque Dieu a tant aimé le monde. Il dit, ah ouais, c'est vrai. Et il a prié, il dit, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai cru jusqu'à présent que tu ne m'aimais pas. Mais tu as tant aimé le monde, je suis dans le monde, donc tu m'aimes. Je crois en ça. Il a changé son discours. 2 jours après, il avait un travail, un CDI. Tout simplement parce que c'était le plan de Dieu qu'il ait son CDI. Mais ce qu'il disait, ah, je suis un raté, Dieu ne m'aime pas, j'y arriverai jamais. Ces paroles-là avaient des conséquences puisque nos paroles sont constructives, sont créatrices. J'aimerais terminer en priant pour vous. Si tu peux mettre un... Et je veux juste vous activer, comme Katia, elle aime bien, elle utilise souvent ce mot. Je vais vous activer, voyez, moi aussi, il n'y a pas que elle. Hein, voilà. Je vais vous activer à recevoir des pensées, dès maintenant. Comment on fait ? On va le faire ensemble maintenant. On va juste prendre un temps de prière et dans le silence et vous allez apprendre très rapidement. Le dernier point de mon message, ce qui va vous aider à développer une autre manière de parler et de penser, c'est d'accueillir la manifestation de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 7, nous parle de la manifestation de l'Esprit. Et il nous est dit, tu peux le mettre, « Or à chacun ». Chacun, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le monde. Tout le monde ici dans cette salle, tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment en audio, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? C'est ce qu'on va pratiquer maintenant. C'est la volonté du Saint-Esprit, ce matin, de couler au travers de vous. C'est la volonté du Saint-Esprit de se manifester par des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des prophéties au travers de vous. Vous devez commencer ce matin à considérer votre pensée comme un réceptacle d'inspiration divine et à utiliser votre intelligence pour accueillir des révélations de la part de Dieu. Alors, je vous invite tout simplement à fermer vos yeux maintenant. Et puis maintenant, commencez à parler au Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de se manifester en vous par l'intermédiaire de paroles de sagesse, de paroles de connaissance, de prophéties de foi. Parlez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, à partir de maintenant, je considère que je suis une nouvelle créature. Je veux, Saint-Esprit, que tu me montres toutes les fois où je pense avec immaturité. Et je veux faire disparaître ce secret de l'enfant. Parlez au Saint-Esprit, laissez-le vous guider maintenant. Saint-Esprit, je suis conscient que tous les jours, il y a deux forces qui essayent d'influencer mes pensées. L'ennemi et toi. Et je veux entendre, je veux me focaliser sur les pensées qui viennent de toi, les pensées créatrices, divines qui viennent de toi. Saint-Esprit, je te demande pardon pour les paroles destructrices, négatives que je prononce sur moi-même, les fois où je me dénigre, où je dénigre les autres, où je dénigre mon futur. Je me repens de cela ce matin. Je vous laisse quelques minutes maintenant de prière silencieuse. Demandez au Saint-Esprit de placer ses pensées en vous maintenant. Merci Saint-Esprit. Peut-être que c'est le Saint-Esprit vous montre des pensées à corriger en vous. Peut-être que le Saint-Esprit fait grandir en vous comme un fardeau de la compassion pour une personne. Ou pour il vous met une action à cœur. Je vous invite à avoir tout au long de vos journées des moments comme ça d'écoute où vous consultez le Saint-Esprit. Et inscrivez les révélations qu'il vous donne dans un journal ou sur votre téléphone. Puis priez par rapport à ces pensées que vous allez recevoir. Saint-Esprit, je t'invite à nous aider à confronter toute pensée toxique, toutes les pensées toxiques qui peuvent parfois nous envahir, les confronter aux vérités qui s'opposent à elles, au nom de Jésus. Vous allez recevoir toutes sortes de pensées qui n'ont peut-être pas forcément des fois à voir à votre actualité. Mais laissez que votre esprit soit comme une piste d'atterrissage. Laissez, non pas les avions, mais les pensées de Dieu atterrir. Ne placez aucun filtre à mesure que ces pensées vont couler en vous. Et vous pourrez les ranger à la fin de votre moment de prière, les classer en ordre d'urgence, d'importance, avec un calendrier de priorité. Mais cher Saint-Esprit, on te remercie pour le plan de Dieu qui est bon pour nous, qui est grand. Et on te demande pardon parce qu'on a limité la manifestation du plan de Dieu au travers des pensées qui étaient les nôtres. Les pensées que nous entretenions à notre égard, à l'égard des autres, à l'égard de notre futur. Et on veut accueillir tes pensées. On veut avoir régulièrement, chaque jour, avoir un temps de prière où on accueille tes pensées. On apprend à penser comme toi. On apprend à développer ton regard. Merci Saint-Esprit. Amen.